loin des récifs, de la mer de Dunkerque. Mais on ressent le souffle du vent qui caresse nos narines. Seul le toit d'un bateau domine des récifs. La mer s'est retirée et ses enfants pleurent, déprimés. Sa façade avec des pierres blondes nous raconte une épopée, celle d'un or pleuvant, des enfants trop minés. Sur un boulevard sombre, des histoires drôles surgissent. Au-delà des ténèbres d'attente, dans une pluie enivrée. Je pense à toi, tu es là, dans mes pensées, parmi nous. On pense à toi tout le temps, et on est là. Tu devrais être là, mais ce temps, il se noue. C'est tout le temps la même chose, des choses qu'on aime s'envolent. Au ciel étoilé, des étoiles veillent sur nous, ce n'est qu'une aparté. Et ce ciel se dissout, loin des cadavres des bières, sous une autre clarté. On rêve qu'elle est bien là, notre voix, notre idole. Je pense à toi, tu es là, dans mes pensées, parmi nous. On pense à toi tout le temps, et on est là. Tu devrais être là, mais ce temps, il se noue. Capitaine, capitaine. Le long couloir, sa lumière cachée, comme si des oiseaux avaient dit qu'il l'éteindrait. La salle à manger, sa verrière éblouissante à souhait. Sa cuisine où on a parlé de choses et d'autres, ses chambres endormies, tout était vrai. Je pense à toi, tu es là. Des pensées parmi nous. On pense à toi tout le temps, et on est là. Tu devrais être là, mais ce temps, il se noue.